Bonjour. Excusez-moi, nous sommes un peu perdus. Est-ce que c'est l'office de tourisme de Rennes? Bonjour. Oui, vous êtes au bon endroit. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Merci. Nous venons juste d'arriver et nous voulions savoir quels sont les endroits incontournables à visiter ici à Rennes. Bien sûr. Rennes a beaucoup à offrir. Il y a le Parlement de Bretagne, la cathédrale Saint-Pierre et bien sûr, le magnifique jardin du Tabor. Vous pouvez également explorer le centre historique avec ses ruelles pittoresques. Ça a l'air super. Auriez-vous un plan de la ville que nous pourrions utiliser? Absolument. Voici un plan de la ville. Vous trouverez les principaux sites touristiques marqués, et nous avons également inclus quelques recommandations de restaurants et de cafés. Parfait. Merci. Une dernière chose. Y a-t-il des visites guidées disponibles? Oui, nous avons des visites guidées disponibles en français et en anglais. Elles couvrent différents aspects de l'histoire et de la culture de la ville. Vous pouvez consulter les horaires et réserver directement à la réception. C'est génial, nous allons certainement en profiter. Merci beaucoup pour toutes ces informations. De rien. Si vous avez d'autres questions pendant votre séjour, n'hésitez pas à revenir. Bonne découverte de Rennes.